Voie 2. Suite à des travaux à l'infrastructure, le train S8 à destination d'Otigny de 12h06 ne circulera pas aujourd'hui. Les voyageurs à destination de Bruxelles-Luxembourg et Otigny sont invités à prendre le train IC à destination de Namur et Dinan de 12h21 à la voie 2. Spoor 2. Door werken aan de spoorinfrastructuur rijdt de S8-trein naar Otigny van 12:06 vandaag niet. Reizigers naar Brussel-Luxemburg en Otigny kunnen de IC-trein naar Namen en Dinant van 12:21 spoor 2 nemen. Voilà. Le train IC à destination de Bruxelles Midi de 12h09 arrivera dans quelques instants. Voilà. Ce train s'arrête à Bruxelles Nord, Bruxelles Centrale et Bruxelles Midi. Ce train est le premier train vers Bruxelles Nord, Bruxelles Centrale et Bruxelles Midi. Spoor 1. De IC-trein naar Brussel Zuid van 12:09 komt zo dadelijk aan. Spoor 1. Deze trein stopt in Brussel Noord, Brussel Centraal en Brussel Zuid. Deze trein is de eerste trein naar Brussel Noord, Brussel Centraal en Brussel Zuid. bientôt le train IC à destination de Namur et Dinan de 12h21 arrivera dans quelques instants. Voie 2. Ce train s'arrête à Bruxelles-Luxembourg, Ottigny, Jambloux, Namur, Jambes, Lustin, Godine, Ivoire et Dinan. Ce train est le premier train vers Bruxelles-Luxembourg et Ottigny. Spoor 2. De IC-trein naar Namen en Dinant. Van 12:21 komt zo dadelijk aan. Spoor 2. Deze trein stopt in Brussel-Luxemburg, Ottigny, Jambloux, Namen, Jambes, Lustin, Godin, Ivoire en Dinant. Deze trein is de eerste trein naar Brussel-Luxemburg en Ottigny. Da wird aber auf dem Weg zur Sierra noch einer.